cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. انتهينا في درسنا الأخير من مسألة مهمة وهي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. Et on a étudié ensemble la aqida des salaf à ce sujet, et la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة. كذلك on a lu ensemble الخلاف, la divergence entre أهل العلم sur est-ce que la vision elle est réservée pour le mu'minin faqat amma fil jannah. On avait vu ensemble annabil ijma', l'unanimité des savants, anna hadhihi li khassa bil mu'minin lianna al kafir wal munafiq il rentre pas fil jannah. Amma fi ard al mahshar fakhtalafa أهل العلم على ثلاثة أقوال. Et on les a lus ensemble dans le dernier dars. والصحيح أن كذلك الكافر والمنافق يبيرون الله عز وجل, لكن c'est pas une رؤية للتنعيم والجزاء, بل c'est من التعذيب. Et on avait détaillé ensemble هذا, et on avait lu les preuves على هذا القول que Ibn Taymiyyah رحمة الله عليه il a choisi. Et كذلك الإمام ابن القيم, et كذلك on avait vu الشيخ خليل الهراس رحمة الله عليهم أجمعين. فهذا هو خلاصة درسنا الأخير. أما اليوم فننتقل إلى مسألة جديدة, أي l'étude d'une autre صفة من صفات الله عز وجل, وهي صفة النزول. فمن يقرأ البيت أو يقرأ المنظومة تفضل. يا سائلي عن المهدي وعقيدتي رزق الهدى من الهداية يسأله اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم يذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عدتها إلى مقالها وأصونها عن كل ما يتخيل نبذل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. أحسن. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. صفة النزول. فأهل السنة يثبتون هذه الصفة. أهل السنة إذن ستعقيدة أن الله سبحانه وتعالى إدسا. الشارح حفظه الله بسيطة un dalil mina as-sunnah as-sahiha pour argumenter ala hadha al-qawl. Qala hafidhahu Allah ta'ala wa fi hadha ash-shatr min al-bayt yathbutu fihi shaykh al-islam sifata an-nuzul lillahi 'azza wa jalla ila as-sama' ad-dunya wa hadhihi as-sifah thabitatun bis-sunnah al-mutawatira wa ijma'i ahli as-sunnah. Il a pas cité al-Qur'an لأن يبقى الدليل من القرآن أن الله سبحانه وتعالى ينزل, لكننا دليل في السنة الصحيحة. Ça, ça nous prouve أن l'essentiel في إثبات الصفات c'est d'avoir un dalil, que ce soit من القرآن, que ce soit من السنة. C'est pas forcément un dalil من الكتاب et un dalil من السنة. فمثلا في صفة النزول il n'y a pas un dalil واضح في القرآن أي صريح, لكن هناك أدلة في السنة والسنة تكفي تنك الصحيحة تنك الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي عند أهل السنة. لماذا؟ لأن السنة من الوحي، من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث متواتر، قد جاء عن جمع كثير من الصحابة، فالحديث إلى في الصحيحين بل إلى متواتر، أي plusieurs compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ils l'ont rapporté. الحديث إلى clair صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، أي الله سبحانه وتعالى ينزل. قال: وقد أجمع أهل السنة على إثبات هذه الصفة من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. أهل السنة unanime أن الله سبحانه وتعالى descend. Et c'est من الصفات الفعلية لأنها متعلقة بالمشيئة. Ces quatre points qu'il a cités sont importants. Ahl al-Sunnah yuthbituna al-sifat lillahi azza wa jal en se basant toujours sur un dalil. Lianna manhaj wa madhhab al-salaf fi al-sifat c'est al-ithbat, c'est un dalil. Fahuna un dalil clair, hadith Abi Hurayra fi al-sahihain, yanzilu rabbuna ou yanzilu Allah azza wa jal. Lakin sans faire de takif. Takif c'est le comment. On ne sait pas comment Allah Azza wa Jalla descend. Lakin on sait qu'il descend. Ala al-haqiqa wa la tahrif. Kadhalik on ne déforme pas comme ils font Ahlul Bid'a min al-muharrifa. On va voir que ils ont déformé qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yanzilu Allah Azza wa Jalla. Ils ont dit al-murad c'est Ar-Rahmah ou le Malaïka. C'est pas Allah qui descend pour eux. C'est un ange parmi les anges d'Allah Azza wa Jal. Ou c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est du tahrif. L'anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال ينزل الله. Ou dans une riwaya ينزل ربنا. Il n'a pas dit تنزل Ar-Rahmah ou ينزل ملك من الملائكة. هذا تحريف. تحريف c'est déformé. Nahnu, on a un texte, il est clair. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parlait en langue arabe claire. Et nahnu, on doit croire en cet attribut qui est cité dans ce dalil sans déformer. Kadhalik, wala ta'til. Ta'til, c'est al-rad, c'est l'inkar, c'est rejeter. Ahlul bid'a' min al-mu'tazila. Wa kadhalik, zanadiqatu al-jahmiya. Ils ont rejeté hadhihi as-sifa. Ils ont dit Allah ne descend pas. Pourtant le dalil il est wadih. Les annal qawm ils font passer les passions et la raison avant les textes. Amma nahnu la. Le prophète صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله فأون دي ينزل الله. Comment Allahu a'lam. Il y a un comment lakin Allah il nous a pas informé. فلا نخوض في هذا. الكيف مجهول. هكذا قال الإمام مالك quand cet homme lui a posé la question كيف استوى. La question elle est grave. La question c'est une bid'a. Comme a dit l'imam Malik, والسؤال عنه بدعه. Pas le droit de demander comment, c'est une bid'a. Pourquoi c'est une bid'a? Parce que les sahaba ils n'ont jamais demandé au prophète صلى الله عليه وسلم comment. Fa nabi صلى الله عليه وسلم comme dans le hadith Abi Huraira, Abu Huraira il a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire ينزل الله. Jamais quelqu'un من الصحابة a demandé comment. Fa demander le comment c'est une bid'a. كذلك personne parmi les sahaba ou min salaf hadi l'umma min al-a'imma ils ont dit que c'est pas Allah qui descend, c'est un ange ou c'est ar-rahma abadan. كذلك التعطيل. Le prophète sallam yuthbit et haula al-juhal al-dhullal al-zanadiqa ils disent Allah la yanzil kal-jahmiya. هذا c'est grave. كذلك ولا تمثيل. Nous, quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala yinzil, on répète la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en aucun cas on a une conviction, une croyance, cette descente c'est comme la descente d'un makhluk. Là, Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha, kayfa yasha azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaqul laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui ressemble à Allah azza wa jal. Donc, هذا النزول, c'est un nuzul haqiqi. Allah, il descend chaque tiers, à la fin de, le dernier tiers de chaque nuit. Lakin, on ne sait pas comment. Et on est convaincu que ce n'est pas comme les créatures. Et on s'écarte du tahrif et on s'écarte du ta'til. Qala, wa qad harrafa ahlul bid'a sifat an-nuzul faqalu yanzilu amrah. أو ينزل بعض ملائكته. أولا هذا المنهج, هذه الطريقة, هؤلاء المحرفة ils l'ont appliqué pas que في صفة النزول. تقدم معنا dans certains دروس أنهم يحرفون صفة اليدين وصفة الوجه وكثير من صفات الله عز وجل. فطريقتهم أنهم يديث, si tu dis qu'Allah il descend, tu l'as fait ressembler à la créature. Et hada c'est batil. Lianna ha'oula, si tu leur demandes est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a du ilm, ils vont forcément répondre na'am. Et kadhalik, nahnu on sait que certaines créatures ils ont du ilm. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla qala fas'alu ahli dhikr, ay ahli al-ilm. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-ulama warathatul anbiya. Ça montre que qu'il y a des créatures, ils ont du ilm. Les savants, etc. Est-ce que le ilm de cette créature, c'est comme ilm Allah Azza wa Jal? Abadan, personne dit hada. Donc pourquoi comparer fi sifat an-nuzul? Comme on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout, et la science des créatures elle est limitée, elle est précédée par l'ignorance, tu peux oublier, tu peux te tromper. Hakada al-bashar. Et Allah Azza wa Jal il sait tout. Il n'y a rien qui lui échappe, subhanah. Ya'lamu as-sir wa akhfa. Fa hakada sifat an-nuzul. Nuzul al-makhluq, c'est un nuzul par rapport aux capacités de ce makhluq, cette créature. Et nuzul Allah Azza wa Jal, il est parfait. Et c'est incomparable. Laysa ka mithlihi shay. Prends hakada, kadhalik sifat al-hayat. Al-hay, al-qayyum, min asma'ihi al-hay. Parmi les noms d'Allah, al-hay. Et ce nom, il englobe un attribut parfait, al-hayat. Si tu leur demandes est-ce que Allah il a c'est le hay, ils vont dire na'am. Est-ce qu'il a sifat al-hayat? Ha'oula al-muharrifa, ils vont dire na'am. Fa'nahna, on leur dit kadhalik anta, t'as une vie. Est-ce que dans ce cas tu vas dire la, Allah il a pas de vie parce que moi j'ai une vie? Ils disent pas hada. Ils vont dire la. Ils vont dire la vie d'Allah Azza wa Jal c'est une vie parfaite. Allah il a jamais été précédé par l'adam. Aïe le néant. Allah subhanahu wa ta'ala il ne goûtera pas à la mort, Azza wa Jal. C'est le hay, c'est le qayyum. Il ne tombe pas malade, il n'est pas fatigué. C'est une vie parfaite, Azza wa Jal. L'être humain, il est précédé par le néant. Il goûtera à la mort. Sa vie, kadhalik, il tombe malade, il se fatigue. Donc tu ne peux pas comparer les deux. Laysa kamithlihi shay, lakin as-sifa tuthbituha. Tu dis qu'Allah, il a une vie, et l'être humain, il a une vie. Même si c'est le même mot, vie et vie, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Abatan. Fahakadha sifat an-nuzul. Lakin ha'oula ad-dhullab, ils ont accepté certains attributs, kal-ilm, wal-hayat, wal-qudra, etc. Et ils ont rejeté d'autres. Falihada, ils se contredisent. Falhaqiqa, si tu as accepté cet attribut, et tu dis que Allah ne ressemble pas aux créatures, et que c'est un attribut parfait, pourquoi tu ne fais pas la même chose dans un autre attribut, dans tous les attributs? Falihada, al-asha'ira, ad-dhullab, ils ont accepté certains attributs, et ils ont rejeté d'autres, et ils se sont contredits. Et même dans les attributs qu'ils ont acceptés, فَكَثِيرْ مِنْهَا c'est pas عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفْ أَيْ الْإِثْبَاتِ. Ils ont des égarements, ma'rouf, صفات الكلام, etc. Lakin, tout ça pour vous montrer la contradiction de هؤلاء. كَذَلِكْ تَأَمَّلُوا أَنَّ بَعْضَهُمْ ils disent que c'est l'amr qui descend. Et بعضهم ils disent c'est le malaïka. Et بعضهم ils disent c'est le rahma. Pourquoi ils se contredisent? Alors que, النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله. Il a cité aucun des aqwal qui disent. On leur pose la question, est-ce que c'est l'Amr, est-ce que c'est le Malaïka, est-ce que c'est le Rahma? Pourquoi vous divergez entre vous? Mais nous, on ne se contredit pas. Jami'a. Ahles Sunnah, ils disent, c'est Allah qui descend. Pourquoi les anna ont un texte? Yanzilullah Azza wa Jal. Lakin ha'oula, harrafu. Pourquoi harrafu? Pourquoi ils n'ont pas dit, ah oui, ils se sont limités à ce hadith? Si on dit qu'ils connaissent ce hadith, et là, chacun a leurs imams, ils connaissent ce hadith. Lakin pourquoi ils n'ont pas dit, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou comme a dit le Salaf, yanzilullah, limada? Pourquoi ils se sont sentis obligés de déformer? ماذا حصل عند من ها نعم اي ils ont pensé que si tu dis Allah il descend tu vas le faire ressembler à la créature et هذا c'est باطل لان الله عز وجل il descend pas comme la créature elle descend et Allah عز وجل il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam انه il descend enfin, pourquoi contredire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour soi-disant s'écarter du tamthil. Qala warattu alayhim min wujuh. Al-an al-Sheikh Muhammad ibn Hizam hafidhahullah ta'ala, il va citer la réponse à comment répondre à haoula. Awlan qala al-awwal, le premier rad, la première réplique, anna al-mala'ikata tanzilu fi kulli waqt wa laysa ila as-sama' fa hazb bal tanzilu ila al-ard. وكذلك رحمة الله وأمره خمرت تأملوا أن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا est-ce que الملائكة أو الأمر أو الرحمة يدسانت فقط jusqu'au premier ciel سماء الدنيا لا il y a des ملائكة يدسانت Ils viennent sur terre comme Hassala li Jibril quand il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma an-nuzul an c'est ila sama' ad-dunya, ça montre que c'est pas le malaïka. Kadhalika ar-rahma, est-ce que la rahma quand Allah il veut arham une de ses créatures, est-ce que cette rahma elle descend jusqu'au premier ciel? Là, cette rahma elle peut toucher un enfant, elle peut toucher une famille, elle peut toucher une personne, elle peut toucher une terre, elle peut toucher beaucoup de choses. Hakadha al-amr. Allah subhanahu wa ta'ala إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون. Est-ce que ça se limite au premier ciel là? Ça te montre que c'est pas al-murad, c'est pas al-rahma ou al-malaika ou al-amr. Ça c'est par rapport à as-sama. تأمل كذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين يبقى ثلث الليل الآخر. Et Allah il descend au dernier tiers de la nuit. Est-ce que le malaika il descend le dernier tiers de la nuit seulement là? بل on a des adillah أن في العصر il y a des malaïka qui descendent في الفجر ثم il y a des autres qui remontent et كذلك beaucoup d'ahadith أن بعض الملائكة ils sont descendus pour نصر le prophète صلى الله عليه وسلم في بدر c'était pas le dernier tir de la nuit وكثير من الأدلة في هذا كذلك est-ce que la rahma elle descend que le dernier tir de la nuit là Allah يرحم qui il veut quand il veut عز وجل وهكذا الأمر Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne ce qu'il veut à qui il veut subhanahu Ça te montre à ce premier rat, on ne dit pas tafsir, on dit tahrif. Il est batil, les anna al-ma'na, ma'na al-hadith, il rejette ce tahrif. Ahada, c'est awulam. Al-thani, anna al-malak, ou al-rahma, ou al-amr, yasta'il an yakoul man yad'ouni fa'astajibu lah, wa man yas'aluni fa'u'tiya. Deuxième rat, Deuxième réplique, أن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول أي الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه أي qui sait qui m'invoque je lui réponds qui sait qui me demande je lui donne est-ce que un malak il peut dire هذا un malak il dira jamais invoquez-moi je vous réponds là ça c'est من صفات الله عز وجل وَعْوُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الْعِبَادَ سَنْ حَقٌ لِلَّهِ وَحْدَهُ Est-ce que الأمر il va dire هذا من يدعوني أو الرحمة لا فَيَقُولُ c'est le قائل c'est Allah ça te montre que celui qui est descendu ou qui descend chaque nuit le dernier tiers إلى السماء الدنيا الله عز وجل لأنه يقول من يدعون سرد إلى واضح troisième réplique قال الثالث نزول رحمته وأمره لا تكون إلا منه وحينئذ فهذا يقتضي أن يكون فوق العالم العالم بفتح اللام وهم لا يثبتون صفة العلو et هذا سرد قوي لكن pour comprendre il faut faire le lien avec صفة العلو نحن نين عقيدة أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de ses créatures il s'est élevé au-dessus de son trône كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى et كذلك في سورة الملك أأمنتم من في السماء فالله سبحانه وتعالى il est فوق السماء لأن في اللغة العربية تأتي بمعنى على يمشون في الأرض أي على الأرض فوق الأرض donc Allah il est au-dessus de ses créatures suivez الآن on va faire le lien entre صفات العلو et صفات النزول pour répliquer à هؤلاء هؤلاء الآن ماذا يقولون ils ont dit que قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا أي c'est Allah سبحانه وتعالى qui fait descendre إما un ange إما أمر un ordre إما رحمة une miséricorde donc ça implique هذا que Allah il est suivez ça implique qu'Allah il est au-dessus لأن si ce ملك il descend de la part d'Allah عز وجل ça veut dire qu'Allah il est au-dessus مفهوم et ça c'est حق Allah il est au-dessus لكن هؤلاء كذلك il rejette صفة العلو فpourquoi الآن Pour expliquer ce fait de nuzul, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre un ange ou une miséricorde ou un homme. Alors qu'ils nient que Allah il est au-dessus. Pourquoi ils parlent de descente fi hada al-hal? Ça te montre qu'ils se contredisent. Amma nahnu, il n'y a aucune contradiction. On dit Allah il est au-dessus de ces créatures, les anna on a dit et on dit Allah il descend. Et on va voir l'an qui est une shubha. Inda ba'd an-nas, annahum ils disent si Allah il est au-dessus et il descend, comment Et ils font rentrer la raison. Et hadar de vouloir comprendre ces masa'il avec ta raison. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a informé qu'il est au-dessus, tu dis Allah il est au-dessus. Il t'a informé qu'il descend, tu dis il descend. Et n'essaye pas de comprendre comment et pourquoi. N'essaye pas, tu t'égareras. Fait le haqiqa, nahnu, il y a une fa'ida azima min hada al-hadith. C'est quoi la fa'ida de ce hadith? Hadith al-nuzul, il y a une fa'ida azima pour toi. عندما lisez le hadith il y a une faïda azima pour toi أحسنت أنك تدعو الله عز وجل في هذا الوقت c'est ça un qui te sera utile كذلك une autre faïda azima de ce hadith c'est que tu as la conviction tu as une aqida sincère et t'es véridique tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala il descend ثم Profite de ce hadith, et ce dernier tiers essaye de faire partie de ceux qui sont levés à ce moment. Ah, tu lèves les mains, tu fais ad-du'a, ah, ou tu fais qiyam al-layl, quand tu es en sujoud, tu fais ad-du'a, tu demandes à Allah Azza wa Jal, kadhalik t'en profites, tu demandes des choses nafi'ah. Lian Allah Azza wa Jal yaqul man yad'uni fa astajibu lah. Qui c'est qui me demande, je lui donne, je lui réponds. Ça profite ça. Rubama t'es malade. ربما تا besoin de ilm ربما تا des problèmes et كذلك اهم من هذا tu demandes الجنه tu demandes الفردوس الاعلى tu demandes qu'Allah te pardonne on a tous des péchés c'est ça l'essentiel اما هؤلاء ils ont rejeté هذه الصفه et ils ont pas donné d'importance à كذلك à ce point لأن si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui descend et si c'est pas Allah qui a dit man yad'uni fa astajibu lah ça va avoir un impact sur هذا الإنسان cette croyance ça va lui faire du mal جدا مثلا الجهمية pour eux Allah il a pas de rahma ينكرون صفة الرحمة est-ce que ça va avoir un impact sur cet homme sur cette femme la chef pour lui Allah il a pas de rahma il demandera pas cette rahma pour lui Allah il le voit pas Donc il ne sera pas limité. Allah ne l'entend pas. Face à Yazir. C'est pour ça que l'étude de ces sifat, celui qui les comprend, لابد تتأمل الأثر أي la conséquence qu'il va avoir sur toi. فمثلا نحن quand on étudie أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير, ça doit avoir un impact sur notre vie. أي الله سبحانه وتعالى il a صفة البصر, فنؤمن on a عقيدة السلف ولله الحمد أن الله سبحانه وتعالى il nous voit, il nous entend et on doit profiter. Je dis pas ce que je veux, je fais pas ce que je veux, Allah il me voit. هذا, c'est ça l'importance de هذا العلم. أما قيل وقال, est-ce que s'il descend, est-ce que l'arche reste au-dessus? Mais comment faire, comment comprendre que Allah il est au-dessus et il descend? Il y en a haoula, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ba'dhum. Ils vont dire le dernier tiers de la nuit, est-ce qu'Allah il est au-dessus de la créature? Il y en a, il descend. Al-hadar min hadhi al-as'ila. Awwalan, t'auras pas de réponse. Et thaniyan, ça te fera que du mal. Et la ferme conviction que Allah il est au-dessus et il descend. Et t'arrêtes ici. Li'anna, si tu fais al-kayfiyya, tu t'égareras. Al-kayfiyya, c'est tu cherches à savoir le comment. C'est pour ça que je vous ai cité hadal kalam, li'anna al-an, on va lire des masa'il. Et c'est important de comprendre cette muqaddima. Madhhab al-salaf, il est important fi hadal bab. Al-hadar, de rentrer avec sa raison. Ça c'est un bab tawqifi, t'as un dalil, tuthbit. T'as pas de dalil, tu te tais. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. On ne doit pas rentrer dans des choses qu'on ne maîtrise pas, on n'a pas de connaissance. Est-ce que Allah nous a informé le kayfiyya? Là, voilà, là نَتْخُلْ فِي هَذَا. L'essentiel, أَنْتَ مِثْلَ هَذِي الْأَحَادِيثِ, c'est que تُؤْمِنْ بِالصِّفَةِ, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala il descend. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit yanzil. كَذَلِكَ, tu dis Allah il est au-dessus. On a beaucoup d'ahadith et des versets Allah il est au-dessus. Et tu profites du hadith, Anna, le dernier tiers de la nuit, profites-en pour faire des deux. Et tu t'arrêtes là, et tu seras à la khir. Donc, la troisième réplique, mafhouma, annahum, ils se contredisent. Les annahum, ils disent que cet ange, il descend, min indillah, ou ce homme, donc ça implique qu'Allah, il est au-dessus, et fil haqiqa, ils admettent pas qu'Allah, il est au-dessus. Ils se contredisent. Qala, unzur, sharh hadith al-nuzul, les شيخ الإسلام ابن تيمية ومختصر السواعق السواعق لابن القيم رحمة الله عليه. Donc هذا c'est un bref aperçu de كلام أهل السنة والجماعة في صفة النزول. On résume, صفة النزول c'est une صفة فعلية. Et بعض الإخوان, on avait étudié مقدمة شرح لمعة الاعتقاد de شيخ ابن تيمية, il expliquait هذا. Et les frères qui n'étaient pas avec nous, qui n'ont pas étudié هذا, c'est vous comprendrez inshallah avec l'étude d'autres livres. Donc awwalan nu'min anna Allah subhanahu wa ta'ala descend. C'est min sifati Allah azza wa jalla. Ad-dalil qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hadith Abi Hurayra fi sahihayn yanzilu Allah azza wa jalla. كذلك tu t'écartes du takyif, du tahrif, du ta'til, du tamthil comme on a expliqué, et tu dois savoir que un groupe égaré de cette communauté, ils ont rejeté cette sifa lakin indirectement. Ils n'ont pas dit Allah il descend pas, ils ont dit Allah il descend, lakin ça veut dire que Allah il fait descendre un ange, ou sa miséricorde, ou un ordre, un amr. Et les réponses, parmi les réponses bénéfiques, celui qui n'a pas compris la troisième celle, les deux premières elles sont simples. An al-malaika wal-amr wal-rahma, elles ne se limitent pas à descendre, ils ne se limitent pas plutôt à descendre, et la sama et dunya. Et كذلك, le dernier tiers de la nuit, là, il y a beaucoup d'adillah qui montrent al-aks, l'inverse. كذلك, si on dit que c'est un malak, ou al-rahma ou al-amr, est-ce que le malak il va dire, man yad'ouni, qui m'invoque, je lui réponde? Malak, il ne peut pas dire ça. Abadan, ça c'est un qawl très grave. Ça montre, anna al-qa'id, c'est Allah Azza wa Jal. Donc, celui qui descend, c'est Allah Azza wa Jal. Si vous avez retenu hada, fa tayyib. Et dans les d'autres livres, vous détaillerez. الآن إن شاء الله الآن نقرأ هذه المسائل في الحقيقة c'est des مسائل فيها شيء من التوسع الشيخ محمد les a cités من باب الفائدة لأن ce genre de مسائل ça viendra dans des livres plus détaillés لكن نقرأ للفائدة قال هل يلزم من نزول الله عز وجل أن يخلو منه العرش est-ce que si on dit que Allah descend ça veut dire que Allah il est plus au-dessus de son trône. قال اختلف اهل السنه في هذه المساله على ثلاثه اقوال. الاول ان يخلو منه العرش وهو قول طائفه قليله من اهل الحديث. Et هذا c'est on va voir que القول الصواب عن السلف C'est le troisième qawl. الثاني التوقف عن قول يخلو أو لا يخلو وهو قول كثير من أهل الحديث. نعم. Ce deuxième قول أنه on dit pas, on rentre pas dans ce genre de sujet. On se pose pas cette question. Est-ce que Allah il reste au-dessus du trône أم لا؟ السلف ils ont pas parlé de هذا, enfin on n'en parle pas. Ça c'est un قول كثير من أهل العلم. ورجح ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله. شيخ ابن عثيمين il a choisi ce قول. الثالث وهو المأثور عن السلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء إلى السماء الدنيا ليس كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض. troisième قول أن الله descend et il est au-dessus de son trône. Et c'est ça le قول الصحيح. Pourquoi? لأن il y a aucune contradiction. Ça peut paraître contradictoire pour celui qui fait passer sa raison avant les textes, ou pour quelqu'un qui compare Allah à sa créature. Ça peut paraître contradictoire. Il y en a un être humain, si tu dis qu'il est au-dessus du sat, au-dessus de la terrasse de cette maison, s'il descend, c'est que la terrasse, elle est au-dessus. Ça, c'est avec les créatures même. Avec Allah Azzawajal, tu n'as pas le droit de raisonner comme ça. Il y en a, si tu raisonnes comme ça, tu as comparé à la créature. Donc on dit Allah, il descend, comme un chien Azzawajal, et on ne sait pas la kayfi, on ne sait pas comment, et il reste au-dessus du trône. Il y en a, on se limite au texte. Et c'est dans ce genre de sujet que ceux qui délaissent les textes et ils font passer la raison avant, ils se font beaucoup de mal. Qala kanuzuli ajzam ibn Adam min as-sath ila al-ard bihayth yabqa as-saqf fawqahum bal Allah munazzah an dhalik wa hadha huwa al-qawl as-sahih. N'am. Donc Allah Azza wa Jalla, il est toujours au-dessus de ses créatures. Et al-arsh, le trône, ça fait partie des créatures d'Allah Azza wa Jalla. Allah, il est toujours au-dessus. لأنه قال عز وجل وهو العلي العظيم. Donc اسم العلي il est ثابت لله عز وجل et صفة العلو il est ثابت لله عز وجل. Allah, il est toujours au-dessus. كذلك قال رحمن على العرش استوى. Et en même temps, on a ce hadith أن الله ينزل à un certain moment إلى السماء الدنيا. Donc on croit aux deux. Pourquoi? لأن في العقيدة il n'y a pas de نسخ. Dans ce bab, tu ne peux pas parler d'abroger, abrogeant. Là, il n'y a pas min hada. Hada le bab, il est tawqifi. Tout ce qui est thabit lillahi azza wa jal, accepte-le. Et écarte-toi de le kayfiyya. Fait le haqiqa, comme on a dit, celui qui va comparer l'un, il va comprendre le nuzul. Comme ce qu'il connaît lui, il fait le makhlouqat, il aura beaucoup de mal à comprendre. Lakin al-an, on parle fi haqi lillahi azza wa jal. Ça, c'est min umur al-ghayb. Tu ne peux pas comparer les choses de l'ghaïb avec des choses de dunya. Mathalan, Cheikh al-Islam, il donne un mithal des amthila tayyiba fi tadmouriya. Si tu viens à comparer des choses de dunya avec le jannah, tu auras du mal à comprendre. Mathalan, fi le jannah, tu ne dors pas. Si wahed, il fait rentrer sa raison, comme ils font les kuffar, il aura du mal à comprendre. Un être humain, il a besoin de dormir, il faut qu'il se repose. Fi le jannah, il n'y a pas minhada. Et beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses, si tu compares le jannah avec dunya, c'est incomparable. Pourquoi? Pourtant, c'est deux créatures. L'être humain, il est créé fi dunya, et kadhalik, c'est une créature fi jannah. Et le jannah, c'est une créature d'Allah Azza wa Jalla. Tu ne peux pas comparer, malgré que c'est des créatures. Fa fi haqqi rabbil alamin, c'est awla. Il n'y a aucune comparaison à faire. Donc, le qawl sahih, c'est al-thalith. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. نعم, أما القول أن العرش يغسط دسو فهذا أي أن العرش يغسط ضل عز وجل فهذا لا سان قول ضعيف. Une autre مسألة كسيت هل يقال ينزل بذاته أم يكتفى بقوله ينزل. Est-ce que quand on dit yanzil, est-ce qu'on doit préciser bidhati? Aïe, pour répondre aux égarés, al-muharrifa. Les annahum, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est un ange qui descend, c'est un ordre. Donc nous, est-ce qu'on doit préciser yanzil aï bidhati? Qala, ikhtalafu fi hadha ala thalathati aqwa. Al-awwal annahu yanbaghi an yuqal yanzilu bidhatihi, qala huwa al-imam Abu al-Qasim. من الشافعية وهو قول طائفة من أهل الحديث والصوفية والمتكلمين. Donc certains ils ont dit أنه tu dois préciser بذاته. الثاني وقال الطائفة لا ينزل بذاته. Un deuxième groupe ils ont dit tu dis pas ينزل بذاته. Le troisième يقول يقال ينزل لا يقال بذاته ولا بغير ذاته بل يطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر مختصر الصواعق troisième قول أن tu dis pas بذاته ولا بغير ذاته tu dis كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل ينزل الرب سبحانه et tu t'arrêtes هنا il cite la parole d'Ibn al-Qayyim قال ابن القيم رحمه الله وكذلك جميع ما أخبر الله به عن نفسه إنما هو خبر عن ذاته لا يجوز أن يخص من ذلك إخبار واحدا البتة هذا حقيقة الكلام ولا ينصرف إلى غير ذلك إلا بقرينة تزيل اللبس وتعين المراد فلا حاجة لنا أن نقول استوى على عرشه بذاته وينزل إلى السماء بذاته كما لا يحتاج أن نقول خلق بذاته وقدر بذاته وسمع وتكلم بذاته وإنما قال أئمة السنة ذلك إبطالا لقول المعطلة نعم Donc quand les ulama ils disent bidatih dans certains cas, c'est pour rad ala al-mubtadi'a. Matalan, ils vont dire yanzilullah, ils vont dire ay al-malaika. Fabaduhum, ils vont dire yanzilu bidatih pour répondre à haoula. Wa illa fal asl, kama qala ibn al-Qayyim, c'est kama qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yanzilullah. On n'a pas besoin de dire bidatih ou bighayri dhatih, c'est Allah qui descend, c'est Allah. Azza wa jal. Une autre mas'ala, wa hal yalzam min al-nuzul al-haraka wa al-intiqal. Aïe, est-ce que si on dit Allah il descend, est-ce que ça implique un mouvement Annahu il se déplace, Azza wa Jal. Qala al-allamatu ibn al-Qayyim rahimahullah, amma alladhina nafaw al-haraka wal-intiqal, fa'in nafaw ma huwa min khasa'is al-makhluq, faqad asabu. Walakin akhta'u fi dhannihim anna dhalika lazim ma athbatuh li nafsih. نعم أما الذين نفوا الحركة والانتقال فإن نفوا ما هو من خصائص المخلوق أما ceux qui disent que il y a pas de déplacement il y a pas de mouvement s'ils veulent بهذا un déplacement et un mouvement comme la créature فنعم لأن الله يرسم بعض الخاطر وأما الذين أمسكوا عن الأمرين فهم أسعد بالصواب والاتباع أما ceux qui ont dit il y a pas de mouvement déplacement et ils ont voulu montrer que Allah il ressemble pas aux créatures فهذا لا بأس لكن كما قال ابن القيم الذين أمسكوا عن الأمرين سكي ستاز لماذا لأنه لا يوجد دليل عن هذا فإذا ينزل لا يوجد حركة أو انتقال déplacement mouvement الله الذي ينزل ينزل إذا سنكم يبيع عز وجل فالإمساك سيطيب في هذه المسائل لا تتكلم حاول dans ce genre de sujet في الصفات ne cite pas un mot sans دليل Maintenant, quand tu parles de nuzul, rentre pas dans des choses que tu maîtrises pas ou tu es à peu près là. Tu dis, قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل. Et tu t'arrêtes ici. Allah descend le dernier tiers de la nuit. أما بعضهم يتوسع. Et il se fait du mal. لأن si tu cites des mots ou des formulations de phrases que salaf ils ont pas citées, tu peux ouvrir une porte d'égarement. قال فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه لمكان آخر يحتاج إليه وهذا يمتنع إثباته للرب تعالى ويراد به الانتقال الجسم من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا والعكس فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل كون الفاعل فاعلا إلا به فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له وهذا المعنى يثبت لله قال انتهى انظر مختصر الصواعق بتصرف Ces masail, nahnu, on ne détaillera pas, inshallah, si vous faites d'autres livres, khassatan mitl sharh al-tahawiyya, mitl al-tadmouriyya, mitl al-hamawiyya, mitl mukhtasar al-sawa'iq, ces livres, anna al-ulama, ils détaillent et ils répondent à ahl al-bid'a wa al-dhalal, ils répondent à leurs shubuhat en détail, inshallah, vous verrez, amma, fil haqiqa, nahnu, là où ils ne l'auraient pas cité, on ne l'aurait pas lu, hada, on ne l'aurait pas cité aslan. قال تنبيه جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه تأول ينزل ربنا بنزول أمره وهذه الرواية عن الإمام مالك لا تصح فإن لها سندين سنة فائدة طيبة أنه سيتي غبختي عن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة il fait partie des grands imams parmi les imams des salaf أنه il aurait interprété ينزل ربنا أي par الأمر أي Allah il descend et l'ordre d'Allah. Lakin, il y a plusieurs isnad et des chaînes de transmission jusqu'à l'imam Malik et elles sont faibles. Ça montre que l'imam Malik il a jamais dit ça. L'imam Malik, rahmatullah alayhi, il est à la aqidati salaf. للأسماء والصفات والحمد لله يسوي الرسول والصحابة رحمة الله عليه يسوي الرسول والصحابة رحمه الله. Et même si un jour un imam il aurait interprété cette sifa ou il se trompe dans un sujet, فنحن ولله الحمد on a été ordonné de suivre الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الأول le premier isnad, la première chaîne de transmission من طريق حبيب ابن أبي حبيب كاتب مالك وهو كذاب قال ابن أبي داود كان من أكذب الناس وقال ابن عدي أحاديثه كلها موضوعة. Donc le premier sanad dans la chaîne de transmission, il y a un homme qui s'appelle Habib ibn Abi Habib et c'est un menteur. C'est quand il y a ce nom dans un isnad, le hadith il est faible s'il n'y a que ce isnad. الثاني فيه مجهول لا يعرف. Deuxième chaîne de transmission qu'ils ont trouvé, il y a une personne inconnue. On ne sait pas c'est qui. Donc, cette personne, on est obligé de savoir c'est qui pour savoir si la narration jusqu'à l'imam Malik, elle est sahiha. Donc, al-majhoul عند العلماء, comme تقدم معنا في شرح البيقوني, أنه c'est من قسم الضعيف. Quand il y a un inconnu dans un isnad, ce isnad, il est ضعيف. لأن من شروط الصحة الضبط والعدل. فهذا, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Est-ce que c'est un musulman amla? Est-ce que c'est un sunni amla? Est-ce que c'est une personne véridique amla? Est-ce qu'il mémorise? Ma nadri man hu? Al hadith il est daif. Huna ou huna al athar. Qala fa min ashabihi man athbata hadhihi al riwaya an wa minhum man lam yuthbitha li anna al mashahir min ashabihi lam yunqulu anhu shay'an min dhalik. Naam. Anzur mukhtasar al sawa'iq wa mizan al i'tidal. قال قوله بغير كيف ليس المراد من قوله نفي الكيفية عن صفة النزول. وقبل البيت وإلى السماء بغير كيف ينزل. سيكون المعنى وإلى السماء بغير كيف ينزل. واحد peut comprendre أن ce نزول il est بغير كيف. Il y a pas de comment. Est-ce que c'est صحيح هذا؟ C'est quoi الصواب؟ أحسنت. Il y a une kayfiyya, il y a un comment, lakin on ne le sait pas. Pourquoi? لأن الله عز وجل ne nous a pas informé. Il n'a pas informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas un délit min al-Qur'an sur le comment. Enfin, on dit لا نعلم الكيفية. Il ne faut pas comprendre qu'il n'y a pas de kayfiyya. Là, il y a une kayfiyya, il y a un comment, lakin الله أعلم. C'est min umur al-ghayb. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas informé عن هذا. فالإمساك, on se tait fi hada et on rentre pas fi hada comme fa'ala ba'd ahl al-ahwa, ils se sont égarés. Qala laysa al-murad min qawlihi rahimahullah nafy al-kayfiyya 'an sifat an-nuzul fa inna kull mawjud lahu kayfiyya wa inma al-murad nafy ithbat kayfiyya mu'ayyana li sifat an-nuzul. Ça c'est important. Anna chaque chose qui est mawjuda, qui existe, elle a une kayfiyya. Lakin certaines choses tu sauras comment, et certaines choses tu ne sauras pas. Allah subhanahu wa ta'ala akhbarana an sifati, il nous a dit azza wa jalla qu'il a un visage, qu'il a deux mains, qu'il descend, et beaucoup d'autres sifat. Lakin al-kayfiyya, il nous a pas informé. Fafi hada al-hal nuthbit al-ma'na, on dit Allah il descend, et le comment Allah a'lam bih. Et il hadar de poser cette question ou de rentrer dans ces sujets. Lianna fil haqiqa ya, c'est un bab de l'bid'a qui s'ouvre, comme a dit l'imam Malik, as-su'al anhu bid'a. Et كذلك, c'est une question que personne ne pourra te répondre. Enfin, pourquoi la poser? Mathalan, si on demande à la personne qui a le plus de ilm sur terre, est-ce qu'il pourra nous demander? Est-ce qu'il pourra nous répondre? Là, l'Allah, il n'a informé personne à hada. Donc, ça ne sert à rien de demander. Ça ne sert à rien. Et ma'ada, c'est astavi. Qu'est-ce que tu vas gagner? L'essentiel, c'est applique le hadith. Annaka, tu fais des efforts pour demander à Allah Azza wa Jal fi hada al-waqt. Qala Allah Ta'ala, wa la yuhituna bihi ilma. Naam, ça c'est min al-adilla. Anna l'insan la ya'rif al-kayfiyya. Wa qala Ta'ala, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wal-ithma wal-baghya bighayri al-haq. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ce dalil il est قوي. كذلك أن t'as pas le droit de rentrer dans une chose dont t'as pas de science. T'as pas le droit. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون خاصة في حق الله عز وجل. Surtout quand tu parles de Allah عز وجل. L'insan doit avoir un adab, un bon comportement. Ma'a rabbil alamin. Fala yuthbit illa ma athbatahu Allah li nafsih. Et al-kayfiyya la yadkhul fi hadha. Celui qui rentre fi hadha, fil haqiqa, il a un mauvais comportement ma'a rabbil alamin. Et kadhalik, il parle à Allah bila ilm. L'inna, si il cite n'importe quel kayfiyya qu'il veut. Mathalan, wahad, il veut démontrer kayfiyya tunuzul. Tout ce qu'il citera, ça sera batil, ça sera faux. لأن الله لا informé هؤلاء المخلوقين بهذا. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كذلك ce verset الله سبحانه وتعالى بين فيه أو حرم فيها الكلام أو الاعتقاد أو الفعل بلا علم ولا تقف ما ليس لك به علم. كذلك verset تستفيد منه أن الإنسان في attention il sera jugé. إن السمع والبصر والفؤاد. Ce que tu entends, ce que tu vois, ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu dis, tous tes faits et gestes, tu seras questionné. يوم القيامة. فالإنسان يحذر. Surtout la langue. ما يتعلق باللسان. Surtout ce qui est lié aux questions. Faire attention. Ce n'est pas toutes les questions qui se posent. Poser des questions, il y a un certain comportement à avoir. Des questions sur le sifat, ce n'est pas des questions, c'est pas comme des questions sur le fiqh. Dans le fiqh, tu vas demander des précisions. Pourquoi ? Parce que le fiqh, en général, ça va être une question. Le amal, c'est toi qui dois le faire. Comment je fais salat ? Comment je fais l'oudou ? Est-ce que je peux faire ça ? De telle façon, de telle manière, tu demandes. Et tu auras des preuves sur ça et le savant il va t'expliquer. Amma fi sifatillah azza wa jalla, c'est un i'tiqad. Tu crois que Allah il a cette sifa et tu t'écartes du tahrif, du ta'wil, du tamthil, du tafwid, etc. Tout ce qu'on a cité, et t'es à la khayr. فالإنسان دائما il se répète هذا, أنه, il se rappelle هذا, أنه, il sera interrogé. Wallahu ta'ala a'lam. Al-khulasa de ce dars, أنكم vous retenez ما يتعلق بصفة النزول, أي أن الله descend. Vous essayez d'apprendre al-hadith, hadith Abi Huraira, il est simple. وَلَوْ الشَّاهِدِ يَنْزِلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثَ اللَّيْلِ الْآخِرِ. Et t'arrives à retenir les deux répliques qu'on a citées, et celui qui retient la troisième, طيب. أما les autres questions, فَفِي الْحَقِيقَةِ, ça viendra dans des autres durus, inshallah ta'ala. تفضلوا من عنده شيء أو نكتفي بهذا.